Tout de suite, sur France Culture, du lundi au vendredi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier. LSD passe à l'heure d'été. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, dans une chaise longue, à la pêche à pied, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, 53 minutes de nouvelles écoutes choisies dans la série documentaire. Cette semaine, Rouge comme les règles, une série de Juliette Boutillier réalisée par Nathalie Battus. Au départ de cette série, il y a la difficulté d'évoquer les règles, les airs dégoûtés ou les rires gênés et l'envie de remonter le temps infini de cette histoire, se souvenir de sa première fois ou de ce jour où l'on a taché le lit d'un ami. Et puis aussi parler du quotidien qui va avec, jusqu'à la poésie étrange, faite de colère, de puissance, de honte et de fierté qui peut s'en dégager quand on étale tout ce sang au grand jour. Alors pour commencer, les personnages. Des jeunes filles impertinentes, un médiéviste, une rabbin, une historienne, des femmes empoisonnées, une auteure devenue spécialiste et quelques sorcières. Ensuite, le décor, un tampon caché au fond d'un tiroir, des églises, un musée de la médecine, des clistères et des lancettes, des textes anciens, de la muqueuse, un tabou et des vagins. Aujourd'hui, premier épisode, comment le dire, mais sans le dire. 1. L'Iraniana. 1. L'Iraniana. Oh. Moi, j'ai toujours dit, j'ai mes réglos. J'ai mes réglos, voilà. J'ai toujours détesté le terme de ragnagna que mes copines disaient au collège, je me souviens autour de moi. Ça me faisait penser à gnangnang, à quelqu'un de pénible. Et alors que pour moi, dans mon imaginaire, je pense que ce sang régulier, c'était vraiment lié à quelque chose de guerrier, en fait, de puissant. Je me sentais un peu une guerrière avec ma blessure. Régulière. Le sang des règles, c'est du sang, mais c'est pas perçu comme n'importe quel sang, c'est perçu comme... Ouais, déjà, ça sort de l'organe sexuel, et en plus, c'est le truc de... Je sais pas, c'est le sang, c'est... Ah, il n'y a pas eu de bébé, du coup, il y a du sang qui sort, mais c'est un peu genre de la muqueuse qui se détruit, un vieux truc limite qui pourrit, tu vois, enfin, j'en sais. Ouais, mais... J'ai jamais perçu ça. J'ai jamais fait une différence entre le sang d'une coupure sur ma main que celui de mes règles. Moi, si, personnellement, quand je le vois, le sang même, c'est pas le même. Genre, il est pas composé des mêmes choses. Même quand tu le vois, des fois, c'est marron, c'est visqueux. C'est pour moi, même quand tu le vois sur les serviettes ou des trucs comme ça, c'est pas genre le sang qui sort des blessures, tu vois. Rien que cette expression qu'on utilise parfois, je suis indisposée. Je suis indisposée à quoi, ouais, en fait? C'est indisposée à avoir des rapports sexuels, oui, parce que historiquement, le fait d'avoir ses règles, c'est tu peux pas avoir des rapports sexuels, et c'est le moment où. En fait, t'es sale, mais c'est aussi le moment où t'es infertile d'une certaine façon. C'est la mort de la muqueuse qui est censée accueillir le bébé, et la femme, ça sert qu'à faire des enfants. Du coup, il y a un espèce de truc où t'as tes règles, t'utilises pas ton corps pour ta fonction première qui est faire des enfants, tu renies un peu ce truc, tu dis non, moi j'ai pas d'enfants, j'ai mes règles, tu vois. Rouge, histoire d'un tabou. Les mystères de la génération. Je paye mon tribut à la lune. Je touche ma paye en rubis. J'écrase mes tomates. Je mange de l'onglet. Je mange de la tarte aux fraises. Je traverse la mer Rouge. Je relis poil de carotte. Je cuisine mes rougets. Ce qui m'a le plus étonnée, c'était de voir à quel point le tabou des règles était fondamental dans l'histoire de l'humanité. Je ne l'avais pas soupçonné. Je n'avais pas soupçonné qu'autour du tabou des règles s'organisait plus ou moins tout ce qui fait aujourd'hui notre succès en tant qu'espèce, à l'égal du tabou de l'inceste. Et alors qu'on a beaucoup écrit et parlé autour du tabou de l'inceste, le tabou des règles est resté un tabou, même pour ceux qui l'abordaient. Par exemple, l'origine des manières de table de Claude Lévi-Strauss, donc on se dit, a priori, ça va parler d'alimentation, qu'en réalité, les mythes amérindiens sur lesquels il se penchait, qu'il racontait, qu'il essayait d'analyser, portaient quasiment, exclusivement, sur la question des menstruations. Or, évidemment, autour du tabou des règles s'organisent toutes les relations sexuelles, la question de la reproduction. Parce que faire un tabou autour des règles, on peut se poser la question pourquoi finalement c'est arrivé. Donc moi je me suis posé très bêtement la question, mais comment ça se fait ? Qu'est-ce qui peut bien avoir conduit nos lointains ancêtres à faire des règles des femmes un tabou ? Oui, pourquoi avoir fait des règles un tabou ? Dans les années 80, ma sœur Jeanne est réglée pour la première fois. Notre mère est morte. Juliette, c'est quoi ce rouge dans ma culotte, me demande-t-elle. En guise de réponse, je me réfugie derrière un charabia médical. J'évoque la désquamation de la muqueuse, le cycle, ses hormones, un discours au vocabulaire distancé. À l'époque, je suis moi-même étudiante en médecine. Aujourd'hui, toutes deux devenues mères, de ce sang, nous n'avons jamais reparlé. Plus tard, ma fille Marguerite préfère se débrouiller seule, avec ses amis, dans les toilettes du collège, avec en guise de garniture du papier hygiénique. Ce silence me trouble et m'affecte. Lui ai-je, sans le savoir, transmis un sentiment de honte. Et puis en 2015, je constate avec stupéfaction que par deux fois, Instagram supprime la photographie d'une femme étendue de dos sur un lit dont le sang menstruel tache son entrejambe et le drap. L'auteur du cliché, Rupi Kaur, jeune artiste canadienne d'origine indienne, déclarera après cette censure « Si la photo de mes règles vous a mis mal à l'aise, demandez-vous pourquoi ?» Alors, il y a des fluides qui sont plus ou moins nobles. Le sang en lui-même est un fluide noble. Parce que c'est aussi voilà, le sang que l'on transmet, voilà, le sang aristocratique, etc. Donc il n'a pas de, a priori, de connotation négative. Si on lit les études aussi médicales, le sperme est aussi un liquide noble, étant donné qu'il permet d'insuffler la vie, ou alors en fonction des théories médicales, il contient déjà un germe qui va simplement être nourri à l'intérieur du corps féminin. Donc le sang, le sperme, le lait également, sont véritablement des fluides qui vont être étudiés et qui sont généralement des fluides positifs. Hein, le lait... véritablement, voilà, forme de sang nourricier, hein, puisqu'on considère à l'époque moderne que le lait est en fait une reconfiguration du sang qui justement ne s'échappe plus du corps des femmes et qui va être transformé en lait. Donc ça, ça fait partie des trois fluides les plus nobles. Alors évidemment, il y a l'urine, le cérumen, la morve qui le sont nettement moins. Et puis qui sont aussi beaucoup moins étudiés à cette époque-là, et jusqu'à aujourd'hui par les historiens et les historiennes de la médecine. Alors il y a eu des livres notamment sur les larmes, voilà, il y a des fluides qui sont plus ou moins appétants, on va dire, ou plus ou moins vendeurs, en tout cas qui ne seraient pas tabous. Et le sang menstruel, en l'occurrence, lui, est bien moins noble que le sang hein, qui s'écoule des veines au combat, notamment, hein, qui est le sang des guerriers, donc le sang des hommes. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de mener des études sur les menstrues, comme sur l'utérus ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que ça fait encore partie des sujets qui peuvent paraître tabous, de la même manière qu'on ne pose pas sur sa table un tampon, alors qu'on peut très bien poser un Kleenex. Hein. Donc la morve peut être beaucoup plus publique que le sang menstruel. Le sang de mon corps pendant longtemps est resté celui que je sentais parfois pulser derrière mes tympans. Les contractions du muscle cardiaque promenant ce flux dans mon anatomie, du haut du crâne jusqu'aux voûtes plantaires, grâce à l'artère aortique au sang rouge et à la veine cave au sang bleu. Ce sang, c'était aussi le liquide rouge vif surgissant des écorchures d'enfants, dont je regardais les gouttes coaguler avant que la croûte ne soit cachée par de jolis sparadraps. ou encore l'humeur thérapeutique pour d'éventuelles transfusions ou pour vérifier sa composition, taux de globules rouges, blancs, lymphocytes, vitesse de sédimentation, etc. Autant de marqueurs mystérieux pour raconter l'anémie, l'infection ou la bonne santé. Tout cela pour dire que je n'accordais qu'une attention mesurée à mon écoulement menstruel et que les hommes de mon intimité ne l'ont jamais stigmatisé. Aujourd'hui, je me demande ce qu'a bien pu raconter cet écoulement depuis ses origines. Et pourquoi, selon le mot d'Edgar Morin, ce sang féminin demeure ce qu'une femme doit avoir absolument dans sa vie et ce qu'elle doit absolument cacher. Je joue à cache-tampon. Je lève le drapeau du chef de gare. J'appelle les pompiers. Je nourris le traître. Je fais relâche. Je reçois ma famille. Le fluide qui, bien entendu, déclenche le plus de fantasmes ou d'anxiété, c'est les menstrues, parce que ça appartient complètement et exclusivement au corps féminin. Delphine Horviller, rabbin. C'est le fluide qui, en plus, a à voir avec le mystère de l'existence, le mystère de la vie et le mystère du féminin. Donc, en fait, on a la quintessence du mystérieux et de l'altérité qui surgit, naissance de la sexualité, nouvel être, nouveau visage au monde, et puis ce mystère de l'expérience féminine. Donc je pense qu'effectivement, ce fluide-là, c'est la quintessence de ce que peut générer voilà, la pensée mystérieuse, religieuse de l'écoulement ou du secret. Le sang qui s'écoule, qu'est-ce qui pouvait bien signifier pour nos lointains ancêtres chez toutes les espèces, il y a très peu d'espèces qui ont des règles. Il n'y en a que 4 ou 5. Élise Thiébaud, auteure de « Ceci est mon sang ». Les grands singes, chimpanzés, bonobos, une variété de chauves-souris et une race de musaraignes qui s'appelle le macrocélite de Peters. Et les êtres humains. Je me suis dit, peut-être on peut imaginer que chez les êtres humains, Homo sapiens sapiens, il y a 30, 50 000 ans, quand ils voyaient une femme qui avait ses règles, ils pouvaient en tout cas avoir une certitude, c'est qu'elle n'était pas enceinte. Et donc qu'il pouvait être bien d'essayer d'avoir un enfant avec elle. Sauf que dans le cas de l'espèce humaine, il y a un petit hiatus qui est que le moment où on saigne, le moment où on a nos règles, n'est pas celui où on ovule. Ce moment, il surviendra 12 à 17 jours après. On imagine bien qu'ils ont pu observer ça, que peut-être le moment où tout le monde se disait « allons-y », ça ne donnait pas naissance à des enfants. Donc on peut se dire que ça a été une stratégie orchestrée par on ne sait qui, mais on suppose que c'est plutôt par les femmes, puisque c'était elles qui avaient des règles et qui observaient le fonctionnement de ce cycle, d'organiser les relations sexuelles à un autre moment que celui des règles. C'est de cette façon-là que je me suis dit peut-être que ce tabou, il a eu finalement un impact sur l'espèce bien plus grand que celui qu'on a pu imaginer. En tout état de cause, ce sont les populations qui ont mis en œuvre ce tabou qui ont survécu jusqu'à présent, puisque ce tabou est devenu universel. Donc l'histoire n'est racontée que par les vainqueurs, que par ceux qui ont survécu. Nous sommes aujourd'hui 7 milliards, probablement un peu, parce que ce tabou des règles a permis de faire en sorte que les relations sexuelles survenaient au moment pile de l'ovulation, et non pendant les menstruations. Mais difficilement trouvera-t-on rien qui soit aussi malfaisant que le sang menstruel. Une femme qui a ses règles fait aigrir le vin doux par son approche, en les touchant frappe de stérilité les céréales, de mort les greffes, brûle les plants des jardins. Les fruits de l'arbre contre lequel elle s'est assise tombent. Son regard ternit le poli des miroirs, attaque l'acier et l'éclat de l'ivoire. Les abeilles meurent dans leurs ruches. La rouille s'empare aussitôt de l'airain et du fer, et une odeur fétide s'en exhale. Les chiens qui goûtent de ce sang deviennent enragés. Et leur morsure inocule un poison que rien ne peut guérir. Pline l'Ancien, Histoire naturelle, livre 7. Mais quand on regarde l'histoire du sexe et ce qu'on en sait aujourd'hui, encore pour genre dans l'antiquité grecque, on connaît un énorme truc autour de ça, autour du sexe dans l'antiquité grecque, du fait que les hommes avaient des rapports homosexuels entre eux et que avoir des rapports avec des femmes c'était limite juste pour perdurer l'espèce, etc. On a plein de détails comme ça sur genre les orgies qu'ils faisaient, les partous. Alors par contre au niveau des règles, Mais les règles, on sait pas du tout comment ils géraient ça quoi. Mais après aussi je pense qu'il y a ce truc de l'histoire, elle a été écrite par, pour et à les propos hommes. Des hommes, tu vois. Et du coup, toujours, les femmes, elles ont été invisibilisées. Mais après, par exemple, il y avait des bouquins comme ça sur les sorcières, soi-disant, qui ont été mis au bûcher, etc. Et en fait, il s'avérait que c'était des femmes qui étaient médecins, en fait. Et juste qui propageaient cette espèce de truc de solidarité féminine et qui avaient du pouvoir, en fait. Et du coup, toujours, quand les femmes, elles ont commencé à prendre ce pouvoir de connaître leur corps, propager du savoir, discuter entre elles, s'organiser, etc. Ça faisait tellement peur aux hommes qu'ils ont toujours voulu détruire ça, quoi, et l'invisibiliser, alors qu'il y a eu plein de femmes extraordinaires dans l'histoire. Et pourtant, encore aujourd'hui, on a du mal à les étudier parce que il y a eu une tentative de taire ça un peu, quoi. Alors que de plus en plus, on découvre, les premières femmes gynécologues à l'Antiquité, etc. Enfin, pourquoi on nous en a pas parlé plus tôt, quoi ? Enfin, tu vois, il y a un truc... Enregistrement 1. J'ai mes ours. J'ai mes ragnagnas, j'ai mes groseilles, j'ai mon coulis. C'est ma période à pâte à cul. J'écrase les tomates, je prépare le ketchup, j'ai mes coquelicots. Ce qui m'a intéressé, c'est d'explorer vraiment l'étymologie du mot herva, qui en fait veut pas dire nudité, en tout cas pas seulement. Et quand on explore étymologiquement ce mot, on se rend compte que dans toutes ces occurrences, à chaque fois qu'il apparaît dans la Bible ou dans le texte, il a quelque chose à voir davantage avec la vulnérabilité, le secret. La femme, en étant herva, est présentée comme ayant un peu moins de peau que l'homme, et étant un peu plus de l'ordre de la muqueuse. Vous savez, comme si finalement le corps de la femme, dans les pensées traditionnelles, eh bien, était un corps presque transparent, ouvert. L'homme montre son extériorité, alors que la femme révélerait quelque chose de son intériorité, comme si elle était poreuse, ou comme si elle était presque coulante. En fait, dans le mot herva, il y a l'idée de sécrétion. Le féminin est de l'ordre du secret qui pourrait couler à l'extérieur, se révéler. Et c'est ça qui semble être de nature anxiogène pour certains. On a peur que quelque chose du féminin s'écoule à l'extérieur. Et voilà pourquoi on couvre un peu plus, un peu trop les femmes. D'où effectivement peut-être toute cette littérature autour de la sécrétion féminine ou autour des règles. C'est totalement lié à cette problématique du herva et de sa traduction. Dans le début du christianisme, dès les premiers textes, il y a l'idée que les femmes qui ont des menstrues peuvent tout à fait entrer dans les lieux de culte. Charles de Miramont, médiéviste. Malgré tout, alors une fois que je dis ça, malgré tout, le système de l'impureté, le système du tabou, est un système extrêmement efficace pour contrôler une société. Et donc il y a eu des moments dans l'histoire du christianisme où des personnes, ou des théologiens, ou des hommes d'église, qui ont voulu récupérer, reprendre, aller contre cette tradition principale par des traditions minoritaires. Et la deuxième chose, c'est que l'Église, le christianisme au Moyen-Âge, c'est quelque chose qui attrape tout, qui est englobant et qui est syncrétique. Et c'est-à-dire qu'il y a dans la société médiévale, dans certaines régions, en particulier dans les régions celtiques, clairement un certain nombre de systèmes de tabous non chrétiens qu'on a du mal à définir parce qu'on n'a pas beaucoup de sources. Et ces systèmes ont été à certains moments récupéré par l'Église locale de manière à mieux faire instiller le christianisme dans le corps et les esprits des gens à l'époque. Le mie cose, quei giorni, i parenti in visita, il marchese, sono caduta per le scale, ho l'agnese, è arrivato Filippo, conte rosso, la luna, mare rosso, profondo rosso. En français, quand on parle de pureté et d'impureté, eh bien immédiatement on a une association de propreté saleté. Voilà, à l'oreille des gens, on se dit c'est insupportable cette idée d'impureté de la femme parce que ça suggère qu'elle est sale, cette partie du moi. Et effectivement, de fait, beaucoup de gens l'entendent comme ça, y compris au sein de nos traditions religieuses. En fait, la pureté, dans la littérature rabbinique traditionnelle, la pureté, c'est un état de complétude. C'est un état où les frontières de mon corps sont suffisamment claires. C'est ça la pureté. Alors que l'impureté, qu'on appelle Touma, c'est un moment où je vis un effondrement de frontières. On va retrouver ça dans bien d'autres situations, pas juste les règles, mais par exemple, effectivement, une pollution nocturne, une émission séminale de la part d'un homme, la situation d'un accouchement est une situation qui correspond à ça, puisque le corps de la femme s'est ouvert pour que quelque chose passe de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, ça la place dans un état de vulnérabilité particulière, un état d'ouverture, et c'est le propre même de la condition d'accoucher. Et ce qui est intéressant, c'est que ce terme de Touma va aussi être repris pour bien d'autres situations. Par exemple, on définit que l'état de mort, la mort elle-même, le contact avec la mort vous place dans un état, entre guillemets, d'impureté, de Touma, ou bien le contact avec des reptiles. Les reptiles représentent aussi l'impureté. Alors, bien entendu, les règles le racontent de façon anatomique, c'est-à-dire que c'est la quintessence de ça, c'est l'effondrement d'une frontière, c'est l'idée qu'une vie était possible et finalement elle n'est plus possible, c'est la fin d'une possibilité de naissance et tout à coup quelque chose va naître, un nouvel espoir, une nouvelle possibilité, une nouvelle constitution de membrane, un nouvel œuf, enfin plein de choses qui constituent un renouveau. Mais là, on se situe exactement dans le moment de l'entre-deux, dans le moment où quelque chose s'est affaissé, quelque chose s'effondre. Il y a un deuil et la possibilité d'une renaissance. On est dans cet entre-deux. Et cet état de porosité, cet état de flou, est ce qui définit l'impureté, qui n'est en rien une saleté, voilà, mais qui est véritablement un moment liminal de nos existences avec lequel on doit vivre et avec lequel la femme, elle, vit tous les mois. C'est très anxiogène, c'est très menaçant quand tout à coup quelque chose du secret paraît à l'extérieur. Moi, je sais qu'au niveau ça, franchement, que j'ai mes règles ou pas, alors peut-être que je m'en rends pas compte, mais... mais alors, franchement, non, je sais pas, ça me... au niveau hormonal, ça me change rien, quoi. Ah ouais? Ouais, non, du tout. Ah, moi, ça me rend vénère. Mais genre, les trois jours avant, ça me rend ouf. Moi, genre... juste des boutons. Moi, mais pareil. C'est comme ça que je sais qu'elles arrivent. Ouais, mais moi aussi, je pensais, mais en fait, après, j'ai bouffé du gras, ça m'a fait pareil. Je sors le fond de teint. Non, mais tu vois... Moi, c'est vraiment un truc, je me rends compte. Enfin, sur le moment, je m'en rends pas compte, tu vois. Et genre, quand deux jours après, j'aimerais que je fais ah, c'est ça. Et genre, pendant deux jours, juste un tout petit truc que mon père va me dire, ça va m'énerver. Ouais. Et pendant la semaine, genre vraiment, je suis insupportable. Genre, dès qu'il y a un truc qui m'énerve, je suis comme ça. Je peux pas parler, genre, ça m'énerve. Tout m'énerve, ça, à ce moment-là. Ouais. Moi, c'est. Je sais pas. C'est trop personnel. Après, en fait... je suis déjà de mauvaise humeur de mon temps en général, donc en plus, avec mes règles, c'est vrai. 4. Les fleurs, les coquelicots, le melon qui se fend. La tour circulaire, le coulis, le roi rouge, les rougeurs, les ketchupis, le feu au rouge, les cardinales, Jacques en journée, les peintres, le tailleur. Alors ici, on a une représentation du 19e siècle de l'appareil reproducteur féminin, donc grossi au moins, on va dire, fois 5, fois 6, fois 7, je pourrais pas dire, mais comme ça, on voit bien, hein, on voit de près. Naïma Hanafi, historienne. Comment ça fonctionne. Donc là aussi, hein, on est dans toute la veine des opérations, voilà, de dissection pour mieux connaître le corps. Alors bien sûr, on fait la même chose pour les hommes, mais c'est vrai qu'on est plutôt à une période où c'est le corps féminin qui va intriguer. On ne maîtrise pas encore tout à fait les mystères de la génération, c'est comme ça qu'on les appelle. Beaucoup d'hypothèses sont formulées et en tout cas on est dans une période d'effervescence à ce sujet. Pour des représentations plus, non pas plus fouillées mais plus contemporaines, c'est vraiment au 19e, justement avec les travaux de Charcot, que ça va être, on va dire, beaucoup plus travaillé. La question des règles entre en ligne de compte, mais surtout la question de la matrice, en fait. Et là, on est dans des représentations très anciennes qui datent déjà du corpus hippocratique, notamment avec l'idée que la matrice peut migrer dans le corps et que ces migrations peuvent causer un certain nombre de troubles pathologiques, voire des troubles nerveux. C'est surtout ça qui va changer dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et en fait, le lien entre l'hystérie et le corps des femmes, c'est surtout face à cette obsession médicale autour de la matrice, c'est-à-dire l'utérus, qui serait porteur d'un certain nombre de pathologies. Donc c'est plus sur cette question l'irritabilité nerveuse des femmes liée à la matrice. Alors ici c'est un clistère de soi-même. C'est une nouveauté de l'époque moderne qui permet de ne pas justement faire appel au chirurgien ou à l'apothicaire. On s'assoit tout simplement dessus et on active la pompe et donc le liquide, la décoction va rentrer à l'intérieur du corps. Alors pour les règles, c'est marginalement utilisé, mais les lavements peuvent être préconisés de manière plus générale pour réguler les humeurs du corps. Donc ça rentre quand même dans les instruments qui peuvent être mobilisés par les femmes liées à la menstruation. Ce qui est beaucoup plus utilisé en revanche dans la thérapeutique des menstrues en général, c'est la saignée. Alors là encore, la saignée, ça n'est pas du tout limité au traitement des règles. Ça fait même partie du triptyque qui a été rendu notamment célèbre par Molière. Donc la saignée, c'est quelque chose de très courant, dans le sens où on est dans une médecine qui considère que le corps est traversé par des humeurs. Et que de l'équilibre de l'humeur, des humeurs dans le corps, dépend en fait la santé. Et plus le corps est rempli d'humeurs, plus donc un certain nombre de pathologies vont apparaître, parce que les humeurs croupissent, fermentent, et il faut donc les faire sortir du corps. Et un des bons moyens, c'est justement la saignée. Donc là, on a devant nous des lancettes. Alors les lancettes, c'est en fait ce qui sert à ouvrir donc la peau puis la veine. On a aussi la petite palette à saigner, ce qui permet de recueillir le sang. Alors faut pas imaginer qu'on va comme ça soutirer des litres et des litres de sang. Hein. C'est aussi tout un imaginaire médical. Fondamentalement, c'est un petit peu de sang qu'on ponctionne et on est tout à fait dans la rationalité scientifique de l'époque, étant donné qu'il faut évacuer donc les humeurs superflues. Et ça, pour les règles, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que pour les femmes qui ont ce qu'on appelle des règles empêchées, c'est-à-dire qui n'ont plus leurs règles depuis un mois, deux mois, trois mois par exemple, on va pratiquer la saignée de façon à évacuer justement le sang superflu des menstrues, évacuer donc ce sang du corps. Donc ça, c'est vraiment une des thérapeutiques extrêmement importantes à l'époque moderne et plus particulièrement pour les femmes. On a un certain nombre de témoignages féminins, mais qui corroborent des témoignages aussi médicaux, donc de femmes qui disent qu'elles n'ont pas leurs règles depuis un certain nombre de mois, et par contre, elles ont eu un saignement de nez. Par contre, elles ont eu des hémorroïdes. Elles ont eu aussi quelques saignements par les oreilles. C'est ce qu'on appelle les règles dévoyées, c'est-à-dire que le sang ne s'échappant pas par la matrice, eh bien, va migrer là aussi dans le corps, va créer des obstructions, des pléthores à certains endroits et va finir par s'échapper du corps par d'autres voies. Après, il y a d'autres représentations médicales qui arrivent au cours du XVIIIe siècle, notamment dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, qui vont un peu, non pas contredire, mais venir complexifier la théorie morale. Bien souvent, on voit qu'on a un syncrétisme entre les deux. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'irritabilité et de la sensibilité, où là, on ne va plus lire le corps comme finalement une enveloppe charnelle qui serait traversée par des humeurs, mais comme une enveloppe faite de fibres, de nerfs, et finalement, là, la santé et la maladie se disent via des tensions nerveuses. Il y a une irritabilité de la fibre particulière, et là encore, il y a des différences entre hommes et femmes, puisqu'on va considérer que les fibres, les nerfs des femmes sont plus sensibles, ou une irritabilité, une sensibilité particulière. Et là, pour le sujet des règles, c'est surtout dans le cas de la ménopause, on va considérer qu'au moment de la ménopause, l'utérus notamment, est au summum de son irritabilité, et que finalement, la cessation des menstrues peut être un état de santé pour les femmes. Donc il y a différents paradigmes médicaux, mais globalement, tout au long de la période, c'est plutôt le modèle pléthorique qui est plébiscité par les médecins, mais surtout par les femmes. D'où cette peur donc, des règles empêchées. La question qui est là au centre de l'interdiction ou non de la femme menstruée de communier, c'est savoir est-elle en état de péché en étant lors de ses règles ou pas. La réponse, non, les règles sont un processus physiologique, donc ça ne peut pas être un péché. Un péché suppose quelque chose qui vient du libre arbitre, avoir l'intention de faire quelque chose qui est un péché. Alors la question qui est parallèle, et celle de l'émission de sperme nocturne. Donc quand j'ai un rêve la nuit, je rêve d'une très belle femme toute nue et que j'ai une émission de sperme, en particulier si je suis un prêtre, est-ce que le lendemain, j'ai le droit ou non de célébrer l'Eucharistie ? Et là, la réponse est plus compliquée, parce qu'on peut dire que le rêve, je ne le contrôle pas. Donc certains vont dire ça. Donc c'est aussi un processus physiologique. Ça tient à parce que j'ai trop mangé la veille, parce que j'ai mangé des choses épicées qui m'ont conduit à ce type de rêve. D'autres vont dire non, il y a forcément eu au début une pensée impure. Avant de me coucher, j'ai eu une mauvaise pensée. Et donc à ce moment-là, on ne peut pas célébrer la messe si on a une émission de sperme nocturne auparavant. Donc c'est les deux questions, vous voyez, l'une pour la femme, l'autre pour l'homme, qui vont se poser au Moyen-Âge. Donc si c'est quelque chose de purement physiologique, ce n'est pas un péché. Alors ensuite, on peut dire, certes, ce n'est pas un péché, mais c'est une forme d'irrégularité, ce qu'on appelle l'irrégularité, donc c'est un concept du droit à l'époque, pour dire, si je vais dans une église, il faut que je sois dans un état où je sois digne, ou propre, ou parfait pour Dieu, et par conséquent, un certain nombre de défauts physiques empêchent, ou devraient empêcher d'entrer dans une église. Par exemple, un prêtre qui est mutilé de la main ne peut plus célébrer l'Eucharistie, puisque les gestes qu'il fait doivent rappeler les gestes de Jésus, il est déclaré irrégulier à ce moment-là. Un prêtre auquel on a coupé le nez, par exemple, aussi, est déclaré irrégulier, parce qu'on estime, à l'époque, au Moyen-Âge, que quand on célèbre la messe, on doit être l'image du Christ, et donc un visage déformé vous rend irrégulier. Il vous garde l'aspect, vous êtes toujours prêtre, mais vous ne pouvez plus célébrer, en tout cas publiquement, l'Eucharistie. Et on s'est posé la question de savoir s'il fallait appliquer ce statut d'irrégularité aux femmes en état de menstruer. Peu de gens ont dit oui. Un petit nombre de gens, à la fin du XIIe, au début du XIIIe siècle, ont dit, à une époque où il y avait une espèce de retour du tabou, on dit, par dévotion, les femmes ne devraient pas rentrer dans l'église à ce moment-là. Donc là, il y a une espèce de retour, si vous voulez, de cette forme de tabou. Quand une femme aura son écoulement, c'est-à-dire le sang qui s'écoule de son corps, elle restera dans une impureté pendant 7 jours. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout meuble sur lequel elle aura couché pendant son impureté sera impur. Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements, se baignera dans l'eau. Celui qui touchera un meuble sur lequel elle sera assise lavera ses vêtements, se baignera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il partage sa couche avec elle et que l'impureté de cette femme se communique à lui, il sera impur pendant 7 jours. Et tout lit sur lequel il couchera sera impur. Lorsqu'elle sera guérie de son écoulement, elle comptera 7 jours après lesquels elle sera pure. Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, s'il découvre son flux et qu'elle découvre le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu de leur peuple. Extrait du Lévitique. La question, est-ce qu'on peut coucher, un homme peut-il coucher avec sa femme pendant sa menstruation ? Un problème qui se pose encore aujourd'hui. Alors, il y a une idée médicale qui apparaît de manière assez peu claire, enfin sans doute en Palestine, au début de l'ère chrétienne, vers le 5e siècle. Si on a un rapport sexuel pendant la menstruation, l'enfant qu'on pourrait enfanter serait lépreux. Et donc cette idée va être reprise par un père de l'église très fameux qui s'appelle Jérôme, qui a été le traducteur de la Bible en latin. Et au Moyen-Âge, un certain nombre de théologiens vont se dire, est-ce que donc il faut interdire aux gens de coucher ensemble lorsque la femme a sa menstruation ? Première réponse, oui, parce que c'est dangereux pour l'enfant. D'autres théologiens, voilà, avec un raisonnement moral et de casuistique, vont dire, vous savez qu'il y a le devoir conjugal dans le mariage médiéval, c'est-à-dire que chaque fois qu'un homme demande un rapport sexuel à sa femme, elle doit normalement dire oui, et vice-versa. Chaque fois qu'une femme, il faut dire que c'est totalement symétrique, hein, chaque fois qu'une femme demande un rapport sexuel à son mari, normalement il doit dire oui aussi. Et si un homme dit « je veux un rapport sexuel », sinon je vais par exemple voir des prostituées, ce qui est un plus grand péché, et que la femme a ses règles, elle doit à ce moment-là balancer entre d'un côté le danger pour elle d'avoir un enfant lépreux, et de l'autre côté le plus grand danger d'avoir son mari qui devient adultère. Et donc ces gens-là, ces théologiens-là vont dire à ce moment-là, il faut préférer coucher même si on a ses règles, plutôt que risquer le péché encore plus grave de l'adultère. Moi, je sais que ma grand-mère, c'était genre super tabou pour elle, comme le sexe, et que genre c'était vraiment. Enfin, elle me racontait quand elle était petite, quand elle était adolescente, elle se sentait vachement sale d'avoir ses règles. Et enfin, c'était super tabou. Elle en parlait jamais avec sa mère. C'est juste sa mère, quand elle a vu du sang, genre dans sa culotte la première fois, sa mère elle lui a dit bon bah ça t'es tes règles. Elle lui a expliqué vite, enfin rapidement ce que c'était. Et elle lui a dit maintenant tu te débrouilles. Bah oui, parce que par exemple, quand tu te dis bah ta grand-mère c'était quoi il y a deux générations, on va dire, il y a une centaine d'années, mais en gros il y a à peu près 100 ans, on n'a aucune idée, alors que pourtant c'est il y a... Non mais tu vois, voilà, il y a un siècle, le siècle dernier, on n'a aucune idée de comment les femmes géraient leurs règles, alors que pourtant on connaît des détails hyper précis sur l'antiquité grecque, quoi, enfin, ouais. C'est mais fou quand même. C'était vachement tabou, mais tu vois, enfin, c'était vachement tabou, mais... Enfin, comme le sexe, parce que ça se rapprochait des trucs. Par exemple, tu vois, ma grand-mère, elle avait 17 ans, elle a embrassé un garçon sur la bouche. Elle a pas dormi la nuit en pensant qu'elle était enceinte, enfin, ouais. Qu'elle allait tomber enceinte, tu vois, alors que c'était juste un bisou. Maintenant, tu nous dis ça, on fait, ouais, d'accord, c'est complètement aberrant, tu vois. Les mecs, j'ai l'impression qu'ils avaient quand même une éducation sexuelle, genre, qui se transmettait, genre, de père en fils, en mode, ouais, tu vas voir, c'est trop bien, machin, mais que les filles, c'était vachement tabou, c'était, oh, quand tu seras mariée, ton homme s'occupera bien de toi, machin, tu verras les plaisirs du sexe, mais on t'expliquera pas, et, ah, les règles, c'est sale et tout, mais comme tu vas avoir des enfants plus tard, parce que tu seras ça, ça va être cool. Les expressions dans mon pays, quand une jeune fille voit ses règles, ou quand il y a une femme qui voit ses règles, tout simplement, ben, on a tendance à dire que Ibolo Bejila. Voilà, Ibolo Bejila, ça veut dire qu'elle a vu ses règles. D'accord? Et il y en a d'autres qui disent Ayaka Djakmakouni. Djakmakoun. Bon, en langue française, ça veut rien dire. Hein. Ça veut dire la queue du chat. Alors, je sais pas quel est le rapport avec Jack Macon, mais voilà, chez moi, on utilise ça. Et puis, il y en a d'autres qui disent aussi Ayaka Kouli. Bon, en français, Kouli, on va penser que c'est des bagages, Kouli, mais chez moi, on peut dire Ayaka Kouli. Voilà, Ayaka Kouli, ça veut dire elle a vu ses règles. Jack Macon, Kouli, Abolo Bejila. Bitus de Dyrrachium prétend que les miroirs ternis par l'aspect de femmes ayant leurs règles redeviennent brillants si ces mêmes femmes regardent ces miroirs par derrière. Et que toute mauvaise influence des menstrues est détruite si les femmes ont sur elles le poisson appelé surmulet. D'un autre côté, beaucoup de gens attribuent des vertus médicinales à une substance aussi malfaisante, assurant qu'on en fait un topique pour la goutte, et que les femmes en cet état adoucissent les écrouelles, les parotides, les tumeurs, les érysipèles, les furoncles, les fluxions des yeux. D'après Laïs et Salpé, la morsure des chiens enragés et les fièvres tierces et quartes sont guéries avec de la laine de bélier noir imbibée de sang menstruel et renfermée dans un bracelet d'argent. À partir du début du XIIIe siècle vont arriver de nouvelles idées, en particulier liées à Aristote ou à ce qu'on appelle le pseudo-Aristote, des textes pseudo-aristotéliciens. La théorie d'Aristote sur la femme, la physiologie féminine, est beaucoup plus, disons, hiérarchique, on appellerait aujourd'hui ça misogyne, que celle qui était majoritaire avant, qui est la position galénique de Galien, d'un autre médecin. Pour Galien, il y a une espèce de symétrie entre la femme et l'homme. Pour Aristote, la femme est un homme raté. Ce qu'il appelle un homme raté, c'est ça, bon, qu'il faut comprendre d'une manière que sa physiologie, est, à cause de son tempérament, est plus froide, moins réussie, marche moins bien que l'homme. Et dans les plus aristotéliciens, les plus durs dans l'aristotélisme, ça peut conduire à l'idée que la femme est naturellement empoisonnée. Et ça va alimenter toutes les fantasmes sur la sorcellerie à la fin du Moyen-Âge. En particulier l'idée que le sang menstruel peut s'accumuler, s'il n'est pas évacué, et devenir un espèce de poison. Et que ce poison peut être transmis par les yeux. Alors on pensait qu'au Moyen-Âge, le regard... C'était une espèce de petite onde qu'on envoyait sur un objet et qui se revenait vers vous. Vous voyez, c'était pas la même théorie qu'on a maintenant. Donc il y avait une espèce de petit flux, peut-être de particules, qui partait des yeux. Donc la fascination, par exemple, tout ça s'expliquait à partir de ce flux qui partait des yeux. Et donc, les femmes, après leur ménopause, ne menstruant plus, accumulent ce liquide en elles, il se concentre, ça devient de plus en plus sale et de plus en plus dangereux, de plus en plus empoisonné, et il se peut qu'elles pourraient, à partir de leur vision, jeter le mauvais œil sur quelqu'un. Et donc le lien avec la sorcellerie vient de ce courant de pensée qui se surajoute et qui rentre souvent en contradiction avec les autres théories sur le sang menstruel à partir du XIIIe siècle et qui va avoir une importance dans la définition de la sorcière. La sorcière étant la femme empoisonnée par excellence. Donc c'est une situation qui est extrêmement dure pour les femmes âgées. Elle n'est pas du tout perçue comme quelqu'un de sage, de donnant des bons conseils. C'est soit l'entremetteuse, soit la sorcière, soit une religieuse un peu dangereuse. Donc l'image de la femme âgée est très négative. Et donc on se rajoute à cette idée de la femme âgée, l'idée qu'elle est post-ménopausée et que donc pourquoi elle est si dangereuse, si méchante, si etc. C'est qu'elle ne menstrue plus. La suppression des règles en causant une pléthore universelle affaiblit le ressort des vaisseaux, ralentit les mouvements contractiles du cœur et donne lieu à des engorgements, des congestions, sources fécondes de toutes sortes de maladies. C'est ainsi que si le sang se porte vers la tête, il cause l'apoplexie, la paralysie, la frénésie, la mélancolie, la manie, l'épilepsie, la céphalée. S'il s'engorge dans la poitrine, il produit la syncope, la phonie, l'asthme, l'hémoptysie, la palpitation du cœur, le cancer du sein. S'il abonde dans les viscères du bas-ventre, il cause des flatuosités, la colique hystérique, le pica, le vomissement de sang, l'affection hypochondriaque, la cachexie, la jaunisse, le pourpre, le scorbut, les fleurs blanches, les pâles couleurs, les convulsions, les vapeurs, la nymphomanie, les rhumatismes, les obstructions, le skyr, l'inflammation, l'ulcère et l'hydropysie de la matrice. Donc là, on a une bonne idée de ce que les femmes pouvaient lire hein, donc dans cet ouvrage qui leur était destiné. C'est les conseils aux femmes de 40 ans, donc vraiment l'ancêtre des best-sellers actuels, publié par un médecin français, Jeannet-Baptiste Delongrois, dans les années 1780. Et ce livre est destiné aux femmes, hein, donc à ce lectorat spécifique. Et bien évidemment, il ne faut pas s'étonner si dans les consultations épistolaires qu'elles écrivent ou dans leur correspondance privée, nombre d'entre elles redoutent véritablement la ménopause. À Versailles, ce 27 janvier 1779, je t'écris dans mon bain. C'est aujourd'hui le 19e jour de retard pour mes règles. Et si je ne me baignais pas, je souffrirais beaucoup. Aussi, je le fais tous les jours. Je n'ai qu'un peu mal à la tête parce que le sang y remonte. Je saigne tous les matins du nez, depuis 4 ou 5 jours, et cela me soulage beaucoup, mais ne m'embellit pas, car cela grossit le nez d'une manière frappante. J'ai aussi quelques boutons, occasionnés par les bains, de sorte, mon petit chat, que ta femme n'est pas jolie, mais pas du tout. Quand tu me reverras, tu me trouveras enlaidie, mais tu me trouveras un caractère charmant. Tous les jours, je me forme, je deviens douce, complaisante, je n'ai presque pas d'humeur. Enfin, quand tu me reverras, tu me trouveras laide, mais une femme parfaite. Ainsi, fais des vœux au ciel pour que je ne change pas, car si par malheur je devenais jolie, je ne réponds plus de rien. La ménopause inaugure la vieillesse. Si on parle du paradigme des humeurs, que ce soit aussi celui d'irritabilité de la sensibilité, globalement on retrouve cette idée que le corps est en fait en train de vivre une étape physiologique nouvelle et que ce corps féminin va d'ailleurs se rapprocher des caractéristiques masculines, c'est-à-dire se s'assécher d'une certaine manière. Les poils, par exemple, des femmes vont pousser de plus en plus longs, par exemple. Leurs corps vont devenir plus anguleux. Leurs formes vont être moins rondes. Le visage se creuser, etc. Et donc se rapprocher de caractéristiques esthétiques, physiques, masculines. Alors on retrouve ce discours-là dans les représentations aussi picturales, dans les discours philosophiques, littéraires, qui vont véritablement faire de la femme ménopausée, de la femme vieillissante ou de la vieille femme, l'archétype de la laideur, l'infertilité et aussi de l'absence de désir. Et très clairement, on revoit ici finalement l'incidence de ce que j'appelle moi la physiologie sanguine, c'est-à-dire l'incidence du sang menstruel sur la vie des femmes. Le sang menstruel, c'est-à-dire les premières règles, les fait rentrer dans la conjugalité, leur ouvre les portes du mariage et puis au contraire, l'âge critique, la ménopause, les fait entrer dans une forme de mort symbolique, puisque le rôle fondamental des femmes à cette époque, c'est celui d'être mère. celui d'être épouse et mère. Et donc, mort symbolique, mort sociale d'une certaine manière, puisqu'elles ne peuvent plus remplir le rôle qui leur est attribué, on va leur demander, en quelque sorte, de laisser place à leur fille, donc de transmettre le pouvoir génétique. Donc, d'où ce développement de tout un discours qui n'est pas uniquement médical, qui est assez global, sur les interdits sexuels qui touchent les femmes, et qui, là, vont rejoindre aussi, bien sûr, des interdits moraux, religieux, les concernant. Les médecins condamnent une sexualité qui serait immodérée, en général, d'ailleurs que ce soit celle des hommes ou celle des femmes. Mais c'est vrai que dans les discours religieux ou dans les discours moralisateurs en général, la condamnation va être beaucoup plus forte quand elle touche les femmes, et on va retrouver toutes ces représentations sur les femmes ménopausées dans des ouvrages qui, là encore, leur sont destinés et qui montrent bien la pénétration des idées médicales et le fait que pour les femmes, ménopause rime véritablement avec sortie de la sexualité. Alors là, je peux vous lire un extrait de La Bibliothèque des Dames, qui est un ouvrage qui paraît en 1719, écrit par George Berkeley. « Il est certain qu'une si grande chaleur dans une vieille femme est une chose surnaturelle et que par conséquent, elle peut être envisagée comme un mauvais présage et même comme un présage infaillible de la ruine de cette personne. Un printemps au fort de l'hiver passera pour une espèce de miracle s'il n'étoie pas accompagné de glace et que la suite ne servit pas à corriger un si affreux renversement de saison. » Parce que, enfin, dans le sens, maintenant, j'ai l'impression qu'on parle quand même plus du sexe et qu'on parle plus de ce genre de choses, que c'est moins tabou dans notre société, mais qu'il y a toujours une partie qui reste un peu dans l'ombre. Je pense que c'est quelque chose qui va très très très lentement et qui est encore très très loin de ce que ça devrait être, en fait. Voilà, quand on voit que avant ils mettaient des torchons. L'évolution des mentalités, je pense qu'elle a encore vraiment du mal à accepter ça, etc. Mais en tout cas, en tant que femme, et quand on a des questions, etc., on a vraiment l'accès avec à Internet, des vidéos, des documentations, etc., qui peuvent nous rassurer, nous renseigner, etc. Et je pense que au niveau de ça, la technologie, elle a quand même vraiment apporté quelque chose sur lequel on peut se documenter, on peut être autonome, en fait. Je pense que Internet, c'est une fausse... et les médias, c'est une fausse évolution. Je pense que, en soi, sur plein de choses, ça nous a fait énormément régresser et que c'est une fausse ouverture au monde, dans le sens où on a l'impression d'avoir énormément de savoir, mais qu'on caresse que superficiellement, en fait. Mais par rapport au règles, justement, j'ai l'impression que par rapport à la condition de la femme, il y a aussi un truc vachement lié au capitalisme, du fait que les règles, c'est pas vendeur, en fait. Enfin, et du coup, il y a vraiment un truc lié, je pense, au capitalisme, du fait que le corps de la femme doit être vendeur, etc. Donc déjà, le tabou des règles, de dire « la femme, en fait, c'est aussi un humain qui est pas juste la pin-up, etc. De... » Enfin, si du jour au lendemain, on a une publicité pour... je m'imagine une publicité pour Abby, et sur le pantalon de la fille, elle a une tache de sang. Mais ça vend pas, quoi. Parce que faut que toujours la fille soit propre, etc. Si je peux faire un lien entre le XVIIIe siècle et aujourd'hui, c'est surtout, non pas forcément sur la permanence telle quelle des représentations médicales et des représentations des femmes, mais sur la reconfiguration d'un certain nombre de pensées qui, d'ailleurs, ne naissent pas au XVIIIe siècle, mais sont souvent liées au corpus hippocratique, donc qui sont beaucoup plus anciennes, donc reconfiguration, qui font qu'aujourd'hui encore, on ne parle pas facilement des règles, qu'il y a un certain nombre de tabous, et que les règles restent médicalisé, avec un discours qui n'est plus donc celui de la théorie de la pléthore, etc., mais qui va enjoindre les femmes à surveiller leurs règles. Donc on est toujours finalement, et d'autant plus, dans un contrôle médical des menstrues, parce que fondamentalement, il y a eu des évolutions liées à la volonté des femmes de maîtriser leur fécondité, qui a permis aussi au corps médical de véritablement avoir un discours d'autorité sur ces questions. L'époque romantique a connu un intérêt pour la menstruation, et Michelet, qui avait une femme assez jeune, notait avec fanatisme, je trouve, dans son carnet, les menstruations de sa femme. Charles de Miramont. Voilà l'ambiance de la fin du 19e siècle, de la frénésie. Vous voyez ce passage qui a lieu à cette époque-là, où la femme devient plus l'empoisonnée, mais la folle. Et le livre de la sorcière le montre d'une certaine manière. c'est cette nouvelle crainte qu'on a sur le corps féminin qui apparaît à la fin du XIXe siècle, l'époque victorienne, qui n'est plus la démoniaque, qui n'est plus l'empoisonnée, mais qui est la folle, la frénétique. Et qui va conduire jusqu'à le syndrome prémenstruel, qui va être une invention de la fin du 19e, du début du 20e siècle, très important jusqu'aux années 50. Voilà. On va par exemple expliquer que les femmes, pendant leur menstrue, commettent plus de crimes. On va avoir des pseudo-statistiques pour dire que la lune influe sur les activités criminelles des femmes. Donc ça, c'est une espèce de miroir. Et c'est aussi intéressant d'un terme historien qu'on voit que les choses descendent, remontent, qu'on n'a pas une évolution linéaire, comme je l'ai dit, entre une époque où il y aurait beaucoup de tabous et une époque où il n'y a pas de tabous. Voilà. Dès le début de la Genèse, vous savez, au tout début de l'histoire, Adam est créé, et puis le féminin est créé à côté d'Adam, ce féminin qui finalement aura le nom de Ève à travers cette première femme. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au début de l'histoire, l'homme est créé, Delphine Orviller, en hébreu Zachar ou Nekeva, masculin et féminin. Il y a en lui, quel que soit son sexe, ces deux attributs du genre, masculin et féminin. Féminin, on se dit en hébreu, nekeva, qui a quelque chose à voir avec l'oblitération, avec le trou, avec le vide, avec le manque, avec une conscience du manque. Donc en fait, il y a plein de façons de traduire zahar et nekeva, parce que zahar en hébreu, ça veut dire le souvenir. Et nekeva, c'est donc le trou, mais y compris le trou de mémoire. Donc quand on dit que l'homme est créé zahar ou nekeva, on dit que l'humanité et créer souvenir et amnésie, qui est à mon sens beaucoup plus riche que la simple traduction erronée, ou en tout cas appauvrie, de homme et femme. J'ai lu quelque part, je ne sais pas où c'est écrit, où la faute originelle d'Ève là, serait peut-être responsable des menstruations. Il y a un grand malentendu sur cette faute, parce que dans la tradition juive, contrairement à la tradition chrétienne de lecture de ce texte, la faute originelle d'Ève n'est pas la sexualité. C'est les pères de l'Église qui ont fait de la sexualité et du rapport au corps une faute originelle. Dans le judaïsme, on ne sait pas exactement à quoi elle correspond. C'est plutôt l'ingestion d'un fruit. Alors effectivement, pour les rabbins, Adam et Ève avaient déjà une sexualité au Jardin d'Éden. C'est pas quelque chose qui arrive avec l'expulsion du Jardin d'Éden. Mais une certaine littérature rabbinique, pas toute, mais une partie de cette littérature rabbinique a donné lieu effectivement à des interprétations qu'on qualifierait clairement aujourd'hui de misogyne, c'est-à-dire l'idée d'une responsabilité, d'une culpabilité féminine dans cette chute et dans cette expulsion du Jardin d'Éden. Et on va trouver dans une partie de la littérature rabbinique l'idée que les femmes continuent à payer quelque chose de la faute, un héritage de la faute de Ève. I'm indisposed. I have the curse, or period. It's Shark Week, red tide, the red code, monthly friend. I'm having the painters in. It's Prince's time. I've got the blob. It's the crimson curse, dragon time. I'm driving a red car. It's red flag week. I have the scarlet fever. She is the most beautiful thing. Mother Nature. Le vagin, c'est quoi, un super héros, tu vois. Enfin, il se nettoie lui-même, tu vois. Enfin, c'est trop stylé, en vrai. Tu vois, c'est... I'm indisposed. Il se nettoie tout seul et tout, c'est trop bien d'une certaine façon, et c'est vu comme un truc sale. Mais après, le vagin, c'est trop stylé. De toute façon, ça se nettoie tout seul, ça t'envoie des signes quand ça va pas. Tes règles, elles se traduisent en fonction de ton humeur, enfin, de ta vie en général. Non, franchement, c'est le feu d'avoir un vagin. C'est grave. Moi, je conseille à tout le monde d'avoir un vagin. Franchement, si j'étais un homme, je pense que j'aurais quand même un vagin. Il y a beaucoup d'effets secondaires dans la société, mais... Mais pour toi, franchement, c'est cool. I'm having the painters in. Rouge, les mystères de la génération. De Juliette Boutillier et Nathalie Battus. I'm having my monthly fringe. It's the time of the month. Avec Delphine Orviller, Naïma Hanafi, Charles de Miramont, Élise Thiébault, Lucie, Tamara, Marguerite, Christophe Hardy, Sophie Doll. It's lady time. Prise de son, Georges Thau. Mixage Alain Joubert. Remerciements chaleureux à Maria Grazia Noce, au docteur Patrick Cerf, au Musée de la médecine, à Michel Cross et à tous les amis ayant accepté d'envoyer leurs témoignages et ressentis. Anne, Jenny, Olga, Samira, Tania, Fifi, Margot, Elisa, Alice, Inès, Séverine. Et toi, t'as plus tes règles, là ? Ah non. I'm glad he got rid of that, yeah. No bother no more. LSD, la série documentaire à l'heure d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, liens, replay et podcast avant le SPM, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Et les pages, c'est Marie-Vonne Aboulivier, Mathias Méji et Annelise Signoret. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. N'hésitez pas à nous laisser des messages. Demain, deuxième épisode, avoir ses règles.